بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا عرف ذلك المؤمن فكيف يتأتى له أن يعدل عن حكم الله سبحانه وتعالى؟ سلوك يا العقيدة بارفيت qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, que le jugement revient à lui, et qu'on n'a pas le droit de juger par une autre loi que lui, comment après cela il peut laisser le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala ata hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Est-ce qu'il recherche lorsqu'il délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il recherche lorsqu'il prend un jugement autre que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il ne recherche qu'à travers cela le hukm de la jahiliyya? فالله سبحانه وتعالى هو الحق وكلمته هي الحق وحكمه سبحانه وتعالى فهو الحق فمن ترك الحق كما قال سبحانه وتعالى il y a pas une troisième issue فماذا بعد الحق الا الضلال. Celui qui délaisse le haq, celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes pris l'égarement. Par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واكتفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنواصل إن شاء الله dans la deuxième partie de الحكم بغير ما أنزل الله. Dans la première partie on a pu voir الأدلة التي تدل على وجوب التحاكم إلى كتاب الله au sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On a pu déduire que al-hukm bima anzala Allah fardun ayni ala kulli muslim wa muslima hurran kana aw abdan dhakaran aw untha. Jugé par une loi qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est wajib ala al-muhayyin, c'est une obligation qui revient à l'individu. Et on a pu voir kadhalika ahammiyatu dirasati hadhihi al-mas'ala, l'importance de connaître et d'étudier cette mas'ala-là, allati kathura fiha al-khud bil-haq taratan wa bil-batil tara. Dans cette mas'ala-là, des gens ont beaucoup parlé et ont évoqué des choses qui étaient fausses, kathiran wa khadu fi hadhihi al-mas'ala. Donc il faut connaître le haq min al-batil, et c'est le but de la science qui est al-furqan alladhi yumayyizuka aw yaj'aluka tumayyiz bayn al-haq wa bayn al-batil. On a pu voir kathalika dans la première partie الرد على هذه الشبهة دسكي إنهم يجعلون توحيد الحاكمية قسما مستقلا في التوحيد. يدسك التوحيد ينقسم إلى أربعة وجعلوا ذلك الرابع هو التوحيد توحيد الحاكمية. On a pu voir que c'est une chose qui n'existe pas لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على ألسنة السلف. C'est une chose qui est محدث comme on peut نعم évoquer علماء. Ils ont pu évoquer que c'est une chose qui est quoi? Qui est muhdath et qui rentre dans une des catégories du tawhid, sawakan al-rububiyya, ou al-asma wa sifa, ou tawhid al-uluhiyya. Naam. Ensuite, on a pu évoquer les halat par rapport au hukm, bi-ghayri ma anzala Allah. Il y a certaines halat, on n'a pas pu tout prendre, laquelle on a pris 6 parmi les 9. Car je ne sais plus si j'avais évoqué, laquelle al-halat, ils sont au nombre de 9. On a pu voir al-halat al-ula qui est al-istihlal. On a pu déduire que man fa'ala dhalika kafara billah subhanahu wa ta'ala bil ijma'. Al-halat al-thaniya, on a pu voir c'était al-juhud. Yani ma'na dhalika annahu yahkum bima anzala Allah lakin fi qalbihi yunkiru dhalika. Il renie au fond de son cœur, malgré que ses membres et sa langue sont conformités avec ce hukm-là, d'apparence il fait comme si jamais il était d'accord avec hukm Allah, lakin dans son cœur il renie cela. Comme on a pu voir, kazalika haza sahibuhu yakfur, et kazalika al halatu athalisa at takzib, yusarrih anna kitab Allah wa hukm Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas lieu d'être dans ce zaman et l'akhirah. Al halatu rabi'a, on a pu voir at tabdil, c'est le fait de يعني أنه يحكم بغير ما أنزل الله أو يحكم بما عنده ويزعم أن ذلك الحكم من عند الله. Donc il prétend que ce حكم qui n'est pas du kitab d'Allah ni de son رسول صلى الله عليه وسلم, il prétend que ce حكم là c'est un حكم qui est dans le kitab d'Allah. كذلك هذا, on a pu voir que c'était du kufr. On avait pu voir كذلك التسوية, le fait qu'il prétend que son حكم il est aussi bon que le حكم d'Allah سبحانه وتعالى. كذلك ça c'est du kufr الذي يخرج صاحبه من الملة. وكذلك التفضيل, وهذا أشد, أنه يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى, فمن اعتقد ذلك لا شك ولا ريب فيه أنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى كفرا يخرج صاحبه من الملة. نستغتي على حالة كي لا بلوز امبورتانت كي سابال حكم الاستبدال. وقبل ذلك أنا بي وار كو توت سي حالات لا اكسيتي التكذيب on ne peut pas juger de la personne التي تحكم يعني avec ces situations là qu'on a cité les 5, on ne peut pas juger qu'il est kafir excepté si jamais la personne lui-même elle approuve sur lui-même qu'il a jugé par une loi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette condition là ou plutôt dans cette situation là ou il a, ce sont des choses qui font partie quoi, des haqaïd, c'est des mu'taqadat qui sont dans le cœur des gens, et on ne peut connaître ce qu'il y a dans le cœur des gens excepté si jamais cette personne là nous dit que naham il a jugé par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, mustahillan, mufaddilan, musawiyan ila akhirih. Sinon, on ne peut pas juger du kufr de ces personnes-là, parce que ça fait partie des achiyas qui sont min umur al-ghaybiyya. Wallahu jalla wa ala qad qala fi kitabihi, qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghayba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, on poursuit, inshallah, la septième halat qui est al-istibdal. Wa hadhihi al-hala هي التي وقع فيها الخوض الكثير. C'est dans cette halat là que al-khawarij wa al-takfiriyun tamam ils ont comment s'appelle beaucoup parlé bil batil. Amma al-halat al-oula, c'est qu'on a pu voir les situations qu'on a pu voir qu'on a dans la première partie, ils sont tous d'accord, on est tous d'accord par rapport à cela que celui qui fait cela yakfur billah subhanahu wa ta'ala. Amma hadhihi al-hala kathura fihi al-khawd wal-qil wal-qal wal-kalam bil-haqq taratan wa bil-batil تارة. نعم. وهذه الصورة للاستبدال هو أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى دون أن يكون مستحلا لذلك ولا جاحدا لذلك ولا مكذبا لذلك ولا مفضلا في ذلك ولا مساويا في ذلك ولا مبدلا في ذلك. C'est-à-dire qu'il juge par une loi autre que celle d'Allah عز وجل لكن لا يعتقد qu'il lui est permis de faire cela. Et كذلك لا يعتقد dans son cœur que c'est une chose qui est mauvaise et l'akhirah. Kadhalika la yukadhib bi lisani, il dit pas ce hukm là n'a pas lieu d'être. Et kadhalika la yufaddil, il dit que mon hukm est mieux que celui d'Allah azza wa jalla. Et kadhalika la yusawi, il dit que mon hukm est égal à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yubaddil yazhum anna dhalika al-hukm alladhi hakama bi nafsihi min tilqa'i nafsihi, il dit que c'est le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est cette sourate là? C'est-à-dire que annahu yatruk الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى يعني عن عصيان عن شهوة في نفسه مع الاعتقاد أن الحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الحكم إلا لله. لكن إنما ترك ذلك الحكم كما يتركه سائر أهل المعصية الواجبات فهو عاصي من العصاة. Celui qui, la halat de celui qui fait un istibdal, c'est quoi le mustabdil? C'est celui qui délaisse une chose par hawa, par passion, par marsiya, lakin il sait qu'il est en train de faire un péché. Il sait qu'il a tort. Il reconnaît ses torts. Lakin, bishahwati fi nafsihi, comme c'est le cas de celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais tu lui dis pourquoi tu as délaissé cela, il ne va pas te dire je l'ai délaissé parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire, c'est mieux. Non, il sait qu'il a tort. Il a tort, il regrette ce qu'il a fait. لكن غلبت شهوته عليه فعصى الله سبحانه وتعالى فكذلك بعد الحكام تحصل لهم ذلك بعد certains des gouverneurs كذلك ça leur arrive ce genre de situation là dans lequel ils sont confrontés à délaisser le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que an shahwati nafsihi, par comment ça s'appelle, par passion, et non par parce que yani i'taqid que son hukm est mieux à l'akhirah. Il délaisse comme le délaisse la plupart des gens qui font quoi, des péchés, tout en ayant la aqida, la conviction que ce qu'il fait c'est mal, que ce qu'il fait il va mériter un péché, qu'il doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il regrette cela, il sait qu'il est en erreur, il sait qu'il a tort, lakin كما قال سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس il le pousse à faire cette chose qui est la ma'siya, lakin au fond de lui, on va pas dire qu'il est comment s'appelle, il est contraint, il est pas contraint, lakin il délaisse cela bil ma'siya, il fait un péché comme le font kazalika les autres. Donc c'est quoi le hukm de ces personnes là التي تحكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد أنه عاصي وَأَنَّمَا فَعَلَهُ عِسْيَانٌ. Quel est le jugement de ceux qui jugent par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant la conviction que ce qu'ils ont fait c'est mauvais, qu'ils doivent se repentir et l'akhirah. Al-hukm ala hawla, c'est que ce qu'ils font c'est du kufr duna kufr, wa dhulmun duna dhulmin, wa fisq duna fisq, comme on va le voir inshallah par rapport aux paroles des أئمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On n'a pas de dalil, la min al kitab, ولا كذلك من السنة, ولا كذلك أجمع السلف على أن من ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو حكم بغير ما أنزل الله عن شهوة في نفسه مع الاعتقاد أنه عاصي كسان كافر بالله سبحانه وتعالى كفرا يخرج صاحبه من الملة. Il y a pas de dalil par rapport à cela qui nous montre que celui qui fait cela, dans cette situation-là, que c'est un kafir, que c'est un murtad, que c'est un apostat, il n'y a pas de dalil min al-kitab, et kadhalika, la yujad min al-sunnah. On a dit, il n'y a pas de dalil, on parle des dalils qui sont sarih, qui sont clairs, nets et précis. Lakin, tu peux trouver des hadiths là, mutashabiha. Qad tadul, yani fi al-zahir, tu peux penser, ça peut te laisser penser que la personne yakfur man fa'ala dhalika. Lakin, al-hukm ala al-muhayyin, c'est pas bil mutashabih. C'est pas bil mutashabih. Qad yujad adilla mutashabiha, lakin li tanzil al-hukm ala al-muayyan, pour juger d'une personne qu'il est sorti de la sunna, qu'il est sorti de l'islam, il faut un dalil min al-kitab wa sunna qui est quoi, sarih, qui est clair, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, illa an tarawna kufran bawa fihi min Allah burhan. Il faut que vous ayez un burhan kash-shams pour pouvoir juger les a'imma, pour pouvoir sortir contre eux, il a révélé, yani pour dire que c'était kuffar, afin de pouvoir sortir contre eux. Qu'est-ce qu'il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Kufran bawah. C'est une chose que il y a personne qui quoi, qui n'a de doute sur cela. Hal yani yakhtalif ithnan min al-muslimin ala anna shams shams, ils peuvent pas diverger sur cela. Donc il faut qu'il y ait le dalil soit quoi, comme le shams. Wadih, personne yakhtalif. Dès qu'il voit ce dalil là, yusallim laka taslima. Lakin on n'a pas trouvé cela. Et comme on a pu le voir dans le début, et ça c'était on a pu voir, c'était une qa'ida qui est muhimma jiddan. Baqa al-asl على مكان وكما يقولون في كتب القواعد الفقهية قالوا اليقين لا يزول بالشك. On ne peut pas délaisser la certitude pour une quoi, pour un doute, pour même une forte présomption. اليقين لا يزول إلا باليقين. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من ثبت إسلامه بيقين لم يزول عنه بشك بل ولا يزول إلا بعد إقامة حجة وإزالة الشبهة. Celui qui est muslim, ثبت إسلامه قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأتى بحقوق الإسلام وهما الصلاة والزكاة. On peut juger, on ne peut que juger de ces personnes-là qu'il est quoi, qu'il est musulman. وباليقين لا نشك في ذلك. C'est un muslim من المسلمين. Quand est-ce que on juge de cette personne-là qu'il est sorti de l'islam de la même manière qu'il est rentré, c'est-à-dire بيقين. On ne peut pas juger que la personne est sortie excepté si jamais quoi, il y a le yakin, on a un dalil wadih que shams kufran bawah fihi min Allah burhan. Naam, dans ce cas-là on dira que cette personne là kharaja min al-islam wa kafara ba'da islamih, irtada 'an al-islam. Lakin si jamais c'est pas le cas, baqa makan 'ala makan, on laisse la chose telle qu'elle est jusqu'à ce que on a le yakin. Et comme on a pu le voir, c'est une chose qui est dangereuse de juger les gens avec des fortes présomptions, avec des choukouk, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam لا يرمي رجل رجلا بالكفر والفسوق ولا يكون صاحبه كذلك إلا ارتد عليه. Celui qui juge, qui dit sur son frère, fasiq, mubtadi', zalim, kafir, il n'a pas de yaqin sur cela, c'est pas le cas, il le juge de cette manière-là, et c'est pas le cas, ce hukm là il revient sur lui. Et comme on a pu voir à travers la parole de l'imam Ibn Abil'iz, qala min ahzam al-baghi, que tu juges sur ton frère qui est quoi, yani kharaja min al-islam annahu murtad, fa hadha la yajuz. Et comme on a dit, il faut, tu vas trouver certainement, et c'est clair et net, des adillah qui sont mutashabiha. Lakin c'est quoi tariqatu ar-rasikhina fil 'ilm, est-ce qu'ils yatashabbathuna bil mutashabih ou annahu yarji'una ila al-muhkam wa yatrukuna al-mutashabiha. La chaque ou la raïba fi, c'est que le jawab al-rasikhuna fil 'ilm, ils s'accrochent aux adillah qui sont muhkama wadiha. Et les ahkam, plutôt les adillah qui sont mutashabiha, ils les prennent, ils les conjuguent avec le muhkam. كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمة هن أم الكتاب أي سآية لك سم محكمة واضحة أم الكتاب معنى ذلك مرجع الكتاب. On revient lorsque on a des doutes dans une مسألة, on prend le dalil qui est واضح. هذا طريقة الراسخين. قال فأما الذين في هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Et d'autres dalils qui sont quoi متشابه. Tu peux comprendre ceci, tu peux comprendre cela. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ceux qui ont dans leur cœur un penchant vers la maladie, في قلوبهم زيغ, une déviance, ماذا يفعلون, هل يتشبثون بالمحكم, لا, ils délaissent le muhkam, la chose qui est واضح, et s'accrochent à la chose qui est quoi, ambiguë. Pourquoi, est-ce que c'est pour chercher le haq, لا, ابتغاء الفتنة, pour rechercher quoi, la fitna في الأمة. فça c'est la tariqa de زائرين. Ils prennent les choses qui sont ambiguës et ils laissent la chose qui est quoi, qui est wadiha. Donc là, كذلك, pour juger, comme on a dit, il faut qu'on ait un truc qui est quoi, il y en a qui est muhkam. Sinon, si jamais ce n'est pas le cas, le musulman dit un rasim min al-husa. Et comme on va le voir, inshallah, que vraiment, ils n'ont pas de adillah, excepté quoi, les shubahat. Fa qawluna, il faut qu'on trouve un dalil sarih, c'est-à-dire tout ce qui est mutashabih, on ne le prend pas. Wa qala l'imam Ibn Abd al-Barr, alayhi rahmatullah, fi kitabihi tamhid. فقال لا يخرج المرء من الإسلام, la personne qui est musulmane, dont on est tous d'accord qu'il est musulmane, il ne peut en sortir de l'islam que si jamais que par un ittifaq, yani que par comment s'appelle une kazalika, un consensus quand même, yani qu'on est tous d'accord comme il est rentré dans l'islam que c'est un musulmane, kazalika on est tous d'accord que la chose qu'il a fait ça l'a fait sortir de quoi, de l'islam. Donc pas de dalil qui est quoi mutashabih. قال أو سنة لا معارضة لها, où on trouve une sunna, un dalil min al-kitab wa sunnah, qui nous montre clairement que cette personne-là est sortie de l'islam. Et regardez comment il a décrit le dalil min al-sunnah. Qala la mu'arida laha. Il n'y a rien qui s'oppose au dalil de ce kitab la sunnah. Il faut que le dalil soit clair. Kashams kima qala nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa hatta yani min al-qawa'id. Alati najid yani fi, inda al-ulama. Qalu, idha thabata al-ihtimal batala al-istidlal. À partir du moment que la personne, lorsqu'elle veut prendre un istidlal, tu as jugé sur une chose, et dans cette chose-là, il y a une probabilité, son istidlal, il devient quoi ? Batel. Ça veut dire que ce n'est pas une chose qui sera quoi ? Imposable aux autres. Pourquoi c'est muhtamil ? À partir du moment que les deux côtés sont quoi ? Muhtamil. Ça, on va l'appeler quoi ? Mujmal. Comme ceux qui ont pu le voir avec nous dans Qawahid al-Fiqh. Plutôt dans Usul al-Fiqh. Tu as deux dalil, les deux, ils sont quoi ? Mutasawi fil quwwa. Les deux sont égaux dans la force. Comment tu peux venir et prendre un dalil et dire que c'est ce qu'on-là qu'il faut prendre. Là, tu es en train de juger avec quoi ? Ihtimal. Parce que c'est possible que l'autre partie, l'autre probabilité, ça soit, c'est cette chose-là qui est la vérité. Donc, là, comme ils ont dit, idha thabata al-ihtimal, à partir du moment qu'il y a une probabilité qui est forte, dans le dalil, dans les choses dans lesquelles tu veux prendre pour aboutir à un dalil, tu peux pas prendre ça pour dalil karenat et juger sur les personnes. Et comment on a pu voir kazalika ? من الأدلة التي تدل على أنه لا يجوز الحكم على المعين بالمتشابه كما نبيوها بقصة عش أسامة بن زيد lorsqu'il a vu ذلك الكافر في الجهاد فغشاه فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله يعني سكافر الذي لا إله إلا الله فقال أسامة بن زيد كان متعوذا il a voulu faire cela afin de se protéger de la mort وفي بعض الرواية قال ذلك خوفا من السلاح. Dès qu'il a vu que j'ai levé mon épée, hein, il a dit « La ilaha illallah » pour sauver sa peau. « Fa'madha qala nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma balagha dhalika faqala ya Usama kayfa bika billahi la ilaha illa jat yawm al-qiyamah » Qu'est-ce que tu vas faire lorsque cette personne-là va venir yawm al-qiyamah ? Il va dire « Ya Rabbi qatalani wa anna qad kuntu shahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah » Yani « Dakhala fil islam » Comment il peut me tuer alors j'ai dit « La shahada pour entrer dans l'islam » Wa fi riwayatin Est-ce que tu es parti vers son cœur pour te rassurer, pour être sûr de Yannick, il a dit, comment ça s'appelle, avec sincérité ou pas? Donc là, ça veut dire quoi? Tu peux pas juger. Lui, il a jugé que c'était toujours un kafir. Il est resté sur As. Il a dit, la ilaha illallah, il n'a pas pris en considération Oussama ibn Zayd. Donc il a jugé par quoi? Probabilité. Il s'est dit, non, celui-là, il veut dire cela parce que pour esquiver la mort. Et il a tué. Al-Nabi, il n'a pas pris en considération son istiglal. Pourquoi? Parce qu'il était muhtamil. Cette personne-là, il a dit, la ilaha illallah. C'est possible, c'est probable qu'il a dit avec sincérité. Comme c'est possible qu'il a dit avec mensonge, lakin, est-ce qu'on a la certitude qu'il a dit avec mensonge ou pas? Tu prends bil-zahir. Annahu qala la ilaha illallah. Donc, dans ce cas-là, ça nous montre bien, kadhalika, que al-istidlal wal-amal bil-mutashabih la yughni min al-haqq shay'a. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, la yughni min jou'. Ça a aucun. Ça ne peut pas apaiser, tamam. Fa zid ala dhalika. Il n'y a pas de dalil qui montre cela. Il y a même des dalils qui sont mutashabih, on va le voir inshallah à la fin. Fa innahu qad thabata min Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi tafsir qawlillah subhanahu wa ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun annahu qala radiyallahu an qala huwa al kufr al asghar alladhi la yanqul an al millah. Il a dit dans le tafsir de ces ayats-là que le mourad, ce qui est voulu dans le kufr, il a dit c'est un kufr qui est quoi? Mineur. Ça ne fait pas sortir de la personne de l'islam. Donc là c'est ma'rouf. La situation qui évolue ici, c'est pas celui qui fait yahkum bi ghayri ma anzal Allah bil istihlal, parce que l'ijma' on a pu voir que c'est du kufr. ولا كذلك تكذيبا ولا كذلك جحودا ولا كذلك تبديلا ولا كذلك تفضيلا ولا كذلك مساويا. Donc tout cela, on a pu voir qu'il y a des ijma'at. Donc ça peut, il peut rester qu'une halat, c'est celui qui le délaisse tout en ayant la aqida, la croyance que ce qu'il est en train de faire c'est un péché, ce qu'il est en train de faire c'est mauvais. Ces genres de personnes là, comme قال ابن عباس كفر دون كفر او قال هو الكفر الاصغر الذي لا ينقل عن المله. وفي بعض الروايات قال رضي الله عنه قال هو به كفر. C'est une mécréance pour lui. Et le kufr qui évolue ici, c'est pas le kufr, il y en a qui fait sortir l'islam. Oui, là, celui qui tue son frère, c'est un kafir. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتله كفر. Si jamais on prend la parole comme elle est au premier degré, نكفر الذي قتل أخاه. Celui qui tue son frère, قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود متفق عليه وقتله كفر. Celui qui l'a tué, c'est un kafir. La même chose. Donc là, ça nous montre, ce qui évolue ici, c'est pas la grande mécréance. Lakin, c'est la petite mécréance qui peut mener à la grande mécréance. Quand on dit yani kufr, on donne un kufr, faut pas qu'on croit aussi que ceux qui délaissent le hukm, qui jugent yani par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, que ce sont des pieux. Là, ce qu'ils font, comme qala subhanahu wa ta'ala, haluhum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Ceux qui font ce genre de choses là, la mécréance, la sortie de l'islam, elle est beaucoup plus proche pour ces personnes là que quoi? Que l'iman. Parce que c'est du kufr. C'est pas parce que c'est mineur que c'est, ça veut rien dire. T'as. C'est du kufr, c'est un kabir amel kabir. C'est-à-dire que la personne, elle a un pied dans l'islam, là qu'elle en a un autre dans le kufr. Et il ne manque entre les deux que très peu de choses. Hum lil kufri, yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Ces genres de personnes-là, il faut faire attention, c'est très très grave. Fahada yani min al kufriyat allati lisat yani tukhrij sahibahu min al islam, lakin qad yu'addihi ila al kufr. وكذلك مما يدل على كذلك la parole d'Ibn Abbas elle est bien et belle instaurée, c'est que ses élèves comme Taous, comme Mujahid, comme Ata ibn Abi Rabah alayhim rahmatullah, كذلك ils ont évoqué une parole qui est semblable à celle d'Ibn Abbas radiyallahu anhum par rapport au tafsir de cette ayah là, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون والفاسقون. فقال تلميذه Taous عليه رحمة الله قال هو الكفر الأصغر لا ينقل عن الملة. C'est la petite mécréance, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. وقال رحمه الله تعالى قال ليس بكفر ينقل عن الملة. C'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. وقال رحمه الله تعالى ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسوله. C'est une mécréance, لكن c'est pas une mécréance qui est telle à celui qui a mécru en Allah عز وجل, en ses anges et كذلك en ses prophètes. وقال عطاء رحمه الله تعالى قال هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. C'est une mécréance qui n'est pas la grande. qui n'est pas la majeure. Un dhulm qui n'est pas le majeur. Un fisk, kadhalika, qui n'est pas le majeur. Parce qu'on peut trouver un dhulm qui est akbar. Inna shirk la dhulmun. Inna shirk la dhulmun azim. Il y en a celui qui fait du shirk. C'est un dhulm. Lakin, c'est un dhulm qui le fait sortir de l'islam. Wa kadhalika al fisk, il y a du fisk qui est akbar. Fafasaka an am rabbi. J'oublie la double aya. Lakin qala, fafasaka an am rabbi. Yani, il est sorti de là. De l'obéissance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, kafara billah subhanahu wa ta'ala, bil fisk. Al fisk kadhalika, yanqasim ila qismayn, kal kufr, kadhalika kal shirk, wa kadhalika kal dhulm. Donc, ça, c'est la parole de qui? Des ulama, min as-sahaba, wa tabi'in. Annahum yaqulun, fi tafsir hadhihi al-aya. Et ça peut être que pour la personne qui yahkum bi ghayri ma anzala Allah, wa huwa ya'taqid anna alladhi yaf'al, que ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est une désobéissance. Que c'est un ghaltan, il est dans l'erreur, il faut qu'il se repente, il faut qu'il arrête ce qu'il a fait. Lakin, en aucun cas, il pense que c'est l'istihlal et l'akhirihi parmi les halats qu'on a évoqués dans la première partie. Le fait de revenir au kitab, à la sunna, ça ce sont quoi? Usul, yani ahl sunnati wal jama'a. Lakin, il ne faut pas oublier que usul, da'wati as-salafiyya, ils sont mabniya ala thalathati arkan. Ils sont bâtis sur trois piliers. Le kitab, la sunna, wa fahmuhuma ala fahmi as-salaf as-salih. Comme a dit l'imam al-Albani, alayhi rahmatullah, c'est un col qui est connu, mais on le répète, parce que c'est le munasaba. Qala al-Sheikh al-Albani, alayhi rahmatullah. Qala usul al-da'wati salafiyya qa'imatun ala thalathi da'a'im. Qala al-Qur'an wa sunna as-sahiha. وفهمهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم قال نعم والسبب ضلال الفرق كلها قديما وحديثا هو عدم التمسك بالدعامة الثالثة يعني رحمه الله تعالى لأصول الدعوة السلفية ils sont sur trois piliers le kitab la sunna et le fait de les comprendre selon la compréhension des salaf parmi les sahaba, at-tabi'in, et kathalika, ceux qui les ont suivis, ani at-tabi'a at-tabi'in. Et dit la cause de l'égarement de toutes les firaqs, que ce soit les anciennes ou bien les nouvelles, c'est parce qu'ils ont délaissé ce troisième pilier qui est quoi? Le fahm du kitab à la sunna, ala fahm salaf al-salih, min as-sahaba wa at-tabi'in wa at-tabi'in. Le fait d'avoir délaissé la compréhension du kitab à la sunna, selon la compréhension des salaf al-salih. Donc lorsque c'est comme ça, il faut revenir à la compréhension des salaf. La buddhamin. Wahaoula, ils ont délaissé. Ils ont interprété ces ayats-là, min tilqa'i anfusihim, d'eux-mêmes, sans revenir à la compréhension de ceux qui ont participé à la révélation, qui étaient là lorsque la révélation est descendue, et kadhalika les élèves de ceux qu'ils ont pris, des sahaba, kataous, wa kadhalika ka'ata, ibn abin rabah, alayhim wa rahmatullah. Sheikh al-Islam, ibn taymiyyah rahmatullah, il a un qu'il est tamam. Faqala rahimahullah ta'ala, qala amma tafsir, fa inna a'lam al-nas bihi ahlu Makkah. لأنهم أصحابوا ابن عباس كمجاهد وعطاء وتاوس إلى إيفوكي يعني ليست دو سي تلميذ. Il a dit, Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahmahullah ta'ala, les personnes qui ont le plus de science dans le tafsir, ce sont ceux qui sont l'ahl Mecca, les gens de Mecca. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ce sont les élèves de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et ma'ruf, annahu kana yulaqtab bi turjamal al-Qur'an. Faqala ibn Mas'ud, ni'ma. Ni'ma Turjuman ibn Abbas. Et ma'ruf, Nabi Sallam l'a dit, celui qui était le plus savant du tafsir, c'était qui? Ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud, il a jugé que, et c'était un des, Ibn Abbas était un des élèves d'Ibn Mas'ud, il a jugé que Ibn Abbas, c'était un bon Turjuman. Yani, quelqu'un qui a une bonne explication du Coran. Ça, c'était à l'époque où c'était son élève, et ma'ruf, Ibn Mas'ud, il est mort jeune. Et que dire alors de la science d'Ibn Abbas? Bien après, hein, mais Nabi Sallam, yani, da'a lahu. Faqala Allahumma, فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لفين دعاء ابن عباس qui soit une personne qui a du fiqh dans la religion et qui a une bonne compréhension du Coran. وعلمه التأويل أي التفسير. التأويل بمعنى التفسير. Donc dans ces cas-là, il faut revenir aux Sahaba et ceux qui avaient le plus de science dans le tafsir. Comme c'est le cas d'Ibn Abbas, et voyez lui-même comment il interprétait. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Que c'est du kufr d'un kufr et kadhalika ses élèves ba'dahum. وَقَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ فَإِنْ لَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجِعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ وَذَكَرَ مِنْهُمْ يَعْنِي الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَقَالَ كَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَحْرِ الْحِبْرِ Il faut revenir, il dit, lorsqu'on ne trouve pas dans le kitab à la sunna une explication d'un verset, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la compréhension des sahaba. Pourquoi? Ce sont ceux qui avaient la meilleure des connaissances dans ces sujets-là. Il a cité ensuite ces personnes-là comme Al-Khulafa al-Arba, les quatre califs, et il a dit Ibn Abbas al-Bahr al-Hibr. Il y en a, c'est quelqu'un qui avait une science, il y en a qui était aussi large que la mer. Radiallahu anhu. Nous, lorsqu'on fait ces démarches-là, c'est des démarches qui sont contre salafiyya. On revient au kitab à la sunna, on n'a pas trouvé l'interprétation de cela, on revient à la parole des sahaba, à sahaba, il nous explique cela. Que dire après cela? Qu'est-ce qu'on nous reproche? On ne fait que suivre ce déroulement et ces démarches-là qu'il faut faire lorsqu'on est face à des textes qui peuvent avoir une interprétation diverse. On revient au apôtre des sahaba si on ne trouve pas cela. Et cette compréhension-là, de cette ayah-là, de Ibn Abbas et ses élèves, تنقلته الأئمة بالقبول بعده فشيخ الإسلام قال رحمه الله تعالى قد يكون الإنسان فيه إيمان وكفر وقد يكون الكفر الذي ينقله عن الملة يدي الإنسان on peut trouver dans lui-même il fait une œuvre c'est du kufr lakin il est toujours mu'min et ce kufr là c'est pas forcément celui qui fait sortir de l'islam كما قال ابن عباس il a voulu montrer par rapport à l'aya lorsque ابن عباس il a fassar l'aya وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ Donc il y a Cheikh d'Islam, Ibn Taymiyyah رحمه الله تلقى le tafsir d'Ibn Abbas بالقبول il a accepté le tafsir d'Ibn Abbas رضي الله عنه قال كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ وَأَصْحَابُهُمْ وَقَدْ اتَّبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ Donc voyez que cette compréhension là les gens qui sont venus après Ibn Abbas, ils l'ont accepté kadhalika. Comme c'est le cas, comme il a évoqué, de l'imam Ahmed, wa ni'ma al-imam, et les gens kadhalika qui sont venus après lui. Qala wa ghayruhum min a'imati as-sunnah. Fa a'imatu as-sunnah, leur interprétation, la bonne compréhension qu'ils ont dans cette ayah-là, c'est quoi? C'est kufrun duna kufr. Yani pour celui qui le fait, tout en sachant que ce qu'il fait, c'est mauvais et que c'est une ma'siyah. Wa qala rahimahullah ta'ala. Qala wa qala Ibn Abbas, وغير واحد من السلف في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق قال وقد ذكر ذلك أحمد والإمام البخاري voyez كذلك ce sont des أئمة qui ont accepté cela ونقل شيخ الإسلام كذلك عن الإمام أحمد قال سئل الإمام أحمد عن الكفر المذكور فيها يعني في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقال الإمام أحمد قال هو كفر لا ينقل عن الإيمان. C'est une mécréance qui ne fait pas sortir de la foi. Donc vous voyez, l'imam Ahmad kadhalika, il avait la même compréhension que ceux qui les ont précédés parmi at-tabi'in wa kadhalika qablahum min as-sahaba. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qala hadha al-qawl huwa qawl 'ammat as-salaf. L'interprétation de dire que كفر دون كفر par rapport à la ayah, c'est la compréhension des salaf. 'Ammat as-salaf. Lorsqu'il dit 'ammat as-salaf, c'est pas la majorité, c'est tout le monde. عامة السلف وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا تأويل ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة فابن القيم كذلك تلقى هذا التفسير بالقبول لا accepté cette compréhension là وقال ابن باز رحمه الله تعالى قال هذا القول صح عن ابن عباس أي كفر دون كفر آخره قال وعن مجاهد وجماعة من السلف un grand groupe de salaf كذلك ils ont dit la même parole que qui que l'imam Ibn Abbas. Donc ça, c'est la parole des salaf. Kufrun duna kufr. Dans cette ayah-là, l'interprétation de cette ayah-là, c'est la parole des salaf, comme tu peux le voir. Et كذلك الصحة الشيخ الألباني الآثار عن ابن عباس وكذلك عن طاووس وكذلك عن عطاء وهو كان يعني يلقب بمحدث ذلك العصر رحمه الله تعالى. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله لما كان لا يرضى هؤلاء يعني تفسرنا هذه الآية en parlant des الخوارج lorsqu'ils n'ont pas voulu accepter l'interprétation de ces salafs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? قال الصارو يقولون هذا الأثر عن ابن عباس غير مقبول ولا يصح عنه. Ils ont dit on n'accepte pas et cette parole-là elle est pas authentifiée d'Ibn Abbas. فرجع إليه التكذيب. كما قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. قال الحق لا يستطاع أن يرد عليه إلا بالكذب. Tu peux pas réfuter le حق que si jamais tu viens avec le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. imma sidq imma al-kadhib. Il n'y a pas de chose entre les deux. Enfin, si jamais il y a une vérité, khalas. Tu peux que réfuter cette vérité-là avec quoi ? Al-kadhib. Faqala, rahimahullah ta'ala, Cheikh ibn al-Uthaymeen, qala fa yuqalu lahum, kayfa la yasih, yani an ibn Abbas, hadha al-qawl. Qala wa qad talaqqahu man huwa akbar minkum. En parlant des al-khawarij. Il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que vous. Qala wa afdal minkum, qui sont meilleurs que vous. Wa a'lamu bikum bil hadith. فَيَكْفِينَا أَنَّ الْجَهَابِثَ قَدْ تَلَقَّاهُمْ بِالْقَبُولِ. Ça nous suffit que ces personnes-là, ces a'imma-là, مِنَ السَّلَفِ الصَّحَابَ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةُ التَّابِعِينَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ إِمَامُ السُّنَّةِ وَالْبُخَارِي كَمَا سَبَّلَ كَانَ يُلَقَّمْ بِجَبَلِ الْحِفْظِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ تَمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَالْأَئِمَّةُ فِي هَذَا الْعَصْرِ كُلُّهُمْ تَلَقَّاهُمْ. Et ils veulent ces khawarij-là, ils veulent s'amuser avec nous pour qu'on délaisse cela. Là, là, ni ça, hakata. Fa, idha arafta, anna hada al-qul, wa hada al-tafsir, fi man lam yahkum bi ghayri ma anzal Allah, wa ya'taqid annahu aasi, wa annahu la yajuzu lahu dhalik, wa alayhi an yatub, que c'est pas un kafir, que c'est un kufr duna kufr, wa fiskun duna fisk, wa dhulmun duna dhulm, sache que, en dehors de cela, yani si tu sais que cela c'est la parole de Salaf, donc en dehors de cela, tu peux trouver que qui ? La parole des Khalf. Yani allazina yukhalifuna as-salaf. Fa al-qawl bi annahu yani yakfur man yani que tu interprètes cette ayah là en disant que c'est un kafir billah azza wa jalla qu'il est sorti de l'islam, hadha la yata'atta, c'est pas possible de le dire avec celui qui quoi ? Yahkum bi ghayri ma anzala Allah, tout en ayant la aqida que c'est quoi ? Que c'est une ma'siyah qu'il est en train de faire. Fa ce qawl là, cette personne, les personnes qui font ce genre de choses-là, ce sont min ashab al-kabair. Ils ont fait un grand péché. Pourquoi ? Parce qu'ils ont délaissé une chose qui est wajib. Comme on a pu le voir, le hukm bima anzil Allah, c'est une chose qui est wajib. Donc, taraku al-wajib. Wallah subhanahu wa ta'ala qad qal, falyahdharin ladhina yakhalifun an amri, an tusibahum fitnatun, aw yusibahum adhabun alim. Que prennent garde ceux qui s'opposent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que leur touche une fitna, qui est la déviance des cœurs, ou hadabun alim, ou bien qu'ils sont châtiés d'un châtiment qui sera avénissant. Qal al-Sheikh al-Hasaymin, alayhi rahmatullah fi kitabihi min ilm al-usul, ceci montre que toute chose, toute ordre qu'on délaisse, al-aslu fihi, c'est quoi ? C'est que c'est un wajib. Donc le fait de délaisser le hukm bima anzal Allah, et de prendre un autre hukm, ça c'est quoi ? C'est une kabira min al-kabair, à partir du moment que la personne, tam yataqid, que ce qu'il est en train de faire c'est quoi ? Que c'est un péché, et il est en train de suivre sa passion, tam, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire de cette personne-là que c'est un kafir. Plutôt, c'est yani min ashab al-kabair. Et ce qui nous montre que c'est un grand péché, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit fa'ulaika humul kafirun. Donc c'est du kufr, quoi qu'il en soit. C'est du kufr. Lakin kama qala al-ulama wa kama qala as-salaf, kufrun duna kufr. Donc si jamais on sait que ça fait partie des kabair, fala yajuz an yukaffir yani ashab al-kabair. Le fait de juger, de rendre mécréant les personnes qu'ils ont fait des kabair, ça la yadous, la yadous, zalika et bilijma'. Qala al-imam Ibn Abdelbar fi tamhid, alayhi rahmatullah, qala ajma' al-ulama, ala anna al-juwara fi al-hukm min al-kabair liman ta'ammada zalika aliman bihi, alayhi rahmatullah. Il nous dit que al-ulama, ils sont tous unanimes que al-jur fi al-hukm, c'est-à-dire d'être injuste, et parmi cela, le fait de délaisser le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que par ijma', bil ijma', le fait de délaisser, d'être injuste dans le jugement, ça fait partie de quoi ? Des kaba'ir. Liman ta'ammada dhalika, celui qui le fait exprès, yani qui le fait volontairement, tout en sachant qu'il est en train de délaisser quoi ? Une chose qui est wajib alayhi, de faire. C'est quoi le jugement de ces choses-là ? Il a dit, c'est parmi les kaba'ir, est-ce qu'il y a un khilaf chez les ulama par rapport à cela ? Il n'y a pas de khilaf. Qala ajma'a al-ulama ala anna al-juwara fil hukm min al-kaba'ir liman ta'ammada dhalika aliman bihi. فهذا سندليل من الأدلة qui montre qu'on ne peut pas كفر celui qui يحكم بغير ما أنزل الله à partir du moment qu'il est quoi يعتقد أنه عاصي. Parce qu'on n'a pas de dalil. Au contraire, on a un dalil qui nous montre qui fait partie des أصحاب الكبائر. Et أصحاب الكبائر لا يكفرهم إلا الخوارج. نعم. وكذلك مما يدل على عدم تكفير هؤلاء, qu'on ne peut pas juger de la mécréance de ces personnes-là, c'est que celui qui prétend par rapport à l'ayah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, que celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir, أي خرج من الإسلام, يَلْزَمُهُ أَنَّهُ يُكَفِّرْ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ. Celui qui prétend que dans cette ayah-là, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, que le kufr qui évolue ici, c'est la grande mécréance. Ils ont dit le ulama alors qu'ils jugent de la mécréance de toute la umma. Pourquoi? Parce que toute personne qui fait un péché, il n'a certes pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas jugé par la loi d'Allah azawajal. Celui qui délaisse, mathalan, la prière en commun, il n'a pas jugé par la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui. Il a voulu que cette personne-là a pris, comment ça s'appelle, avec la jama'a. Donc le fait qu'il délaisse, il n'a pas jugé fi nafsihi bima anzala. Il n'a pas jugé sur lui par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé par une autre chose. Donc, dans ce cas-là, celui qui délaisse la prière en jama'a, khalas. C'est un kafir billah azza wa jalla. Pourquoi? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَوَلَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc, tous ceux qui font des péchés, يَلْزَمْ عَلَى هَوَلَا يُكَفِّرُونَ جَمِعَ الْمُسْلِمِينَ وَيُكَفِّرُونَ أَنْفُسَهُمْ. Parce qu'il n'y a pas une personne qui ne veut pas de péché. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الحديث اللي في الصحيح. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم nous évoque dans ce hadith-là qu'il n'y a pas une personne qui ne fait pas de péché. Et si jamais ce serait le cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aurait anéanti. Et faire venir un peuple autre que vous, qui font des péchés, qui demandent le pardon, et dont Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Quand Allah azza wa jalla, fil hadith al-Qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil layli wa nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Dans ce hadith-là, c'est clair et net, il montrait qu'il n'y a pas une personne qui ne fait pas quoi de péché. Donc, dans ces cas-là, tous ceux qui font des péchés, c'est des kuffars. Pourquoi? Parce que, hakamu, parce que la ayah est âme. Ce qu'ils ont fait étudier un peu dans le sur le fiqh, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit quoi? Waman. Et man, c'est un ismu mawsoul. Wal asma al mawsoula, ça fait partie des alfaz al-âme, qui apportent le sens de la totalité. Comment tu sais que ce love-là, man, il apporte le sens de la totalité? C'est que tu peux le remplacer par quoi? Kul. Et kul, ma'rouf, c'est la totalité. C'est comme si jamais, maintenant, en dehors du Coran, on disait, وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. La phrase, elle est quoi? Elle a un sens. Donc à partir du moment que tu peux remplacer ce man-là par « cool », ça veut dire que le man, il a le sens de la totalité. Donc dans ces cas-là, tous ceux qui ne jugent pas, tous ceux qui ont délaissé le hukm d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire « كُفَّرَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ يَنْ يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ تَخْلِيلًا مُؤَبَّدًا وَمَنْ يَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ. مَنْ يَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. وَقَالَ الْعُلَمَاء كُلُّ مَنْ حَكَمَ بَيْنَ إِثْنَيْنِ كَذَلِكَ سَيُحَاكَمُ. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال كل من حكم بين اثنين فهو قاضي. Toute personne qui vient, qui s'oppose entre deux. أنا وأنت نختلف في شيء. Il y a un troisième qui vient et qui fait l'arbitre entre nous. فهذا, il s'est mis dans une position de juge. Pourquoi? لأن كل من حكم بين اثنين, toute personne qui vient entre, qui s'interpose entre deux personnes, et ben c'est un hakim, il est en train de juger. Donc si jamais يحكم, si jamais il délaisse le jugement d'Allah Azza wa Jal, donc dans ce cas-là, on prend la parole de ces personnes-là, فَهُوَ كَفَرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَهَذَا مَنْ يَقُلْ هَذَا إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. قال الشيخ الإسلام كل من حكم بين اثنين فهو قاضي حتى قال حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فقال فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. حتى يدل الشيخ الإسلام الصحابة ils voyaient que la personne qui jugeait entre les enfants, discorde entre les deux petits, deux enfants, et eh bien c'était quoi? C'était un hakim. Il le considérait comme une personne qui est quoi? Qui est un juge. Donc si jamais il fait preuve d'injustice dans son jugement, ou il délaisse, bon c'est clair, s'il fait preuve d'injustice, c'est qu'il a jugé par une loi qui est autre que celle d'Allah Azza wa Jal. Parce que la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est la justice. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا. L'ad, c'est quoi? C'est la justice. Donc c'est-à-dire que si jamais il fait preuve d'injustice, et eh bien, حَكَمَ بِغَيْرِ مَنْ زَلَّ. Donc celui qui مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَنْ زَلَّ على قولها هؤلاء السفهاء إبا سان كافر بالله عز وجل وخرج من الإسلام. قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله قال فيلزم المعتزلة أن يصرح بكفر كل عاصم وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية لم يحكم بما أنزل الله. نديش إليش الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. Donc on peut que imposer au mu'tazila qui prend la ayah ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, qu'il juge de la mécréance de toute personne qui fait un péché. De toute personne qui fait une injustice. De toute personne qui fait une chose qui est jugée comme perversité. Pourquoi? Parce qu'il a dit, toute personne qui fait une ma'asiyya, il n'a pas jugé par quoi? Par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu amilin bil ma'asiyya, lam yahkum bima anzala. Celui qui délaisse une chose qui est wajib, il n'a pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui est wadih. Celui qui délaisse le siyam, يعني لأنه يعني عن شهوة عن عصيان عن تكاسل بس كلا الجوع إلى آخره سلوك دلس بسيام هل حكم على نفسه بما أنزل الله الحكم بما أنزل الله عليه أنه يصوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم donc est-ce que cette personne-là l'a jugé par d'Allah عز وجل Là, il n'a pas jugé. Donc, dans ces cas-là, c'est un kafir billah azza wa jalla. Pourquoi ? Parce que c'est un hasi. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Dans ces cas-là, regardez les dégâts que ça fait d'avoir une mauvaise interprétation et de ne pas revenir dans l'explication au kitab al-sunnah et kadhalika ala fahmi as-sahaba. Qala al-imam al-alusi alayhi rahmatullah, kullu man aznaba faqad hakama bighayri ma anzala Allah fayujibu an yakuna kafiran. Donc, il nous dit al-imam al-alusi, donc dans ces cas-là, toute personne qui fait des péchés c'est quelqu'un qui n'a pas jugé par la loi d'Allah azawajal. C'est clair et net. Donc dans ces cas-là, toute personne qui ne juge pas, qui font des péchés, eh ben on doit juger d'eux que ce sont des personnes qui sont sorties de l'islam. Et regardez les dégâts. Fa hadhihi al-ashya tadul dalalatan wadhiha 'ala ash que celui qui fait cela yahkum bi ghayri ma anzala bi shahwa, c'est pas un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Wa zid 'ala dhalika an hadhihi al-aya le fait de la prendre au premier degré, c'est même pas au premier degré, parce que le premier degré, il ne montre en rien que c'est un kafir billah azza wa jalla, tamam. Que cette ayah-là, ce sont les ashab al-khawarij qui ont pris quoi ? Cette ayah-là. Pour interpréter comme eux, ils ont interprété. Les ulama, ils ont parlé de cette ayah-là qu'elle est mutashabih, et ceux qui ont l'explication et l'interprétation que c'est un kafir billah azza wa jalla, c'est qui ? C'est le khawarij. Qala al-allamatu al-qurtubi, alayhi rahmatullah. Qala yahtajju bi-zahiriha, wa man lam yahkum bima anzala fa ulaka humul kafirun. من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم. إن جاء رحمه الله تعالى الإمام القرطبي إذ les personnes comme les Khawarij ils prennent d'apparence cette ayah-là pour juger de la mécréance de toute personne qui font des péchés. Donc regardez un peu l'égarement de ces personnes-là. وقال الإمام الأجري عليه رحمة الله قال ومما يتبع الحرورية من المتشابه قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر فقد عدل بربه فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون يعني عليهم فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية إن جاء الإمام الجوري عليه رحمة الله من السلف que الحرورية c'est une appellation qui était donnée al khawarij يعني au début dans l'ère des sahaba فهؤلاء ils prenaient cette آية là pour juger de la mécréance des gouverneurs pour dire que celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a délaissé la vérité. Donc c'est un kafir. Et celui qui a mécréant en Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est mis sur le même, à égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut sortir contre eux. Et comme il a dit, ils font ce que tu peux voir, parce qu'ils sont en train d'interpréter d'une mauvaise manière la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-hafid ibn Abdul Barr, qala wa qad dhalla jama'atu min ahli al-bid'i min al-khawarij wal-mu'tazila fi hadha al-bab. Fahtajju bi hadhihi al-athar, ومثلها في التكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآية ليست على ظاهرها مثل قول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الإمام ابن عبد البر كذلك il nous dit que cette آية là ومن لم يحكم بما أنزل الله les personnes qui l'ont pris d'apparence ce sont les gens de la bid'a parmi les khawarij et les mu'tazila ils ont pris cette آية là pour juger de la mécréance de ceux qui font des grands péchés Et donc ces noms-là d'Aïma nous montrent bien que le fait de prendre la ayah d'apparence, c'est pas minhaj ahlus sunnati wal jama'a, lakin c'est le minhaj d'ahl al-bid'i min al-khawarij wa al-mu'tazila. Donc il faut se préserver de prendre cette ayah-là de premier degré parce que ça fait des gros dégâts. Et hatta, yani al-qawl fa'ulaika humul kafirun, certains ont dit que le fait que la mécréance elle est définie comme c'est le cas ici فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ le fait que la mécréance elle est définie et bien ça peut être que la grande mécréance amma si jamais la mécréance elle est indéfinie et bien c'est quoi elle est nakira c'est-à-dire que c'est la petite mécréance comme il y en a dans le hadith وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ils ont dit là la mécréance elle n'est pas définie donc ça peut être que quoi la mécréance c'est quoi mineure et lorsqu'elle est décrite elle est définie et bien c'est quoi c'est la grande mécréance où ils ont pris cela مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فنقول كذلك يعني تنازلا مع الخصم نقول كيف تقول في حديث فاطمة نعم فاطمة la femme de نسيت ابن قيس نسيت ثابت ابن قيس نسيت الحديث يعني في البخاري فسون ماري l'a tapé كثير Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai envie de demander le khul'a, de me séparer de lui, parce que rien qui me frappe. Et elle a dit, inni akrah al kufr fil islam. J'ai envie de me séparer de lui parce que je n'aime pas la mécréance dans l'islam. C'est-à-dire que ils ont dit, les ulama, qu'est-ce qu'ils voulaient par la mécréance ici? C'est kufr al ashira. C'est-à-dire qu'elle est, elle va se montrer mauvaise envers lui parce que bon, elle se fait frapper, donc elle va pas elle va pas faire les tâches de ménagère et l'akhirhi. Elle va pas tenir son foyer comme il se doit parce que son mari le frappe. Hein. Donc elle dit, in akara al kufr. J'ai pas envie d'être mauvaise envers lui, de d'avoir de la négligence par rapport au droit que qui revient à mon mari. Faqalat inni akara al kufr fil islam. Je déteste la mécréance dans l'islam qui est voulue par là. C'est quoi la mécréance qui est kufr al-ashira, le fait de d'avoir une mauvaise relation et de pas tenir les droits que la femme a envers son mari. Donc là, la mécréance, elle est quoi? Elle est définie. Inni akrah al-kufr. Est-ce que c'est la grande mécréance? C'est pas la grande mécréance. Donc ce tafsil-là de dire que lorsque c'est de la mécréance qui est définie, c'est de la grande mécréance, et lorsque c'est la mécréance qui est indéfinie, c'est la petite mécréance. Ma anzalallahu biha min sultan. Aïna lahum dhalik. Donc ça, c'était quoi? La mas'ala par rapport à l'istibdal. Baqiya, al-taqnin. Kadhalika. Al-taqnin, c'est quoi? C'est le fait que la personne, alladhi yahkum bi ghayri ma anzalallah, de lui-même il vient et il invente ces jugements-là. De lui-même il vient et il invente ces jugements-là. C'est-à-dire que c'est lui-même qui crée ces lois. Ça on appelle ça taqnin. Le fait d'inventer des lois et de juger par ces lois-là. Quel est le jugement des personnes-là? En arabe c'est an yahkum bi ghayri ma anzalallah mukhtari'an hukman bi nafsihi. Qui juge d'une loi autre que celle d'Allah Azzawajal, en ramenant une loi de lui-même. C'est lui-même qui l'a inventé. Quel est le jugement kazalika de ces personnes-là? Kazalika haula, on n'a pas de dalil, min al-kitab, wala kazalika min al-sunna, anna man yaf'al al-ma'siya min tilqa'i nafsihi, celui qui fait une chose, qui invente une chose, que c'est un kafir billah, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas de dalil. Li'anna la farqa bayna man la farqa bayna man hakama bi ghayri ma anzalla hukman bi nafsihi. Il n'y a pas de différence. Et certains ont dit, celui qui invente une loi de lui-même et qui juge par cette loi-là, eh ben, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Amma celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah azawajal, en prenant une loi d'une autre personne, eh ben, ma yakfur. C'est quoi la différence entre juger d'une loi qui est autre que celle d'Allah azawajal, en l'inventant par toi-même, ou bien en t'appuyant sur une loi qui est autre que celle d'Allah azawajal, par la démocratie et la khidam. C'est quoi le farq baynahuma? Il n'y a pas de farq. والإسلام لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. L'islam il fait pas de différence entre les choses qui ont des similitudes. Et كذلك il ne réunit pas entre les choses dans lesquelles il y a une différence. Dans lesquelles il y a une différence. Donc là il y a pas de différence là. Il y a pas de différence entre les deux. Donc comment on peut faire le tafsil بينهما? Donc là il y a pas de quoi. Il y a pas de dalil dans ce cas-là. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى كما قال لا ما فرطنا في الكتاب من شيء. On n'a rien négligé dans le kitab. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié dans le kitab. Donc si on ne trouve pas de dalil min al-kitab wa sunna, que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah azza wa jalla, en inventant cette loi-là, on n'a pas de dalil par rapport à cela. Donc dans ce cas-là, on laisse ala al-asl. C'est-à-dire que c'est un musulman. Shahida an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah. Il rentre dans l'ijma' qu'a dit l'imam Ibn Abd al-Barr. أن الأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك وكان عالما به. Que celui qui a de l'injustice dans le jugement, ça c'est une injustice, et ben on juge de ce fait-là que c'est quoi? C'est une kabira, min kabair al-dhunub. Donc là on le laisse parmi les musulmans, parce que pour qu'on juge qu'il sort de l'islam, كما قال الشيخ الإسلام من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. On n'a pas de certitude, on n'a pas de dalil min al-kitab wa sunnah, et ça fait partie du zulm al-azim ou al-baghi al-azim de juger que son frère il fait partie des gens de l'enfer. Khalidan mukhalladan fiha bada. On n'a pas le droit. Donc dans ce cas-là, baqa ou makan ala makan, on laisse le musulman comme il est, on juge de cette personne-là quelqu'un que c'est un muslim min al-muslimin. Amma la shak wa la rayba fi, que celui qui fait cela yani la shad ani jurman, que celui qui délaisse le hukm bima Allah, la personne qui ne juge pas par une loi autre que celle d'Allah, c'est-à-dire il délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui invente une loi et juge par lui-même, ben c'est clair et net que celui-là, il y a ni achat d'urman, parce qu'il invente. Narcha alayhi, qu'il sort de l'islam, mais on n'a pas de dalil. Maintenant, on dit subhanahu wa ta'ala, ablahum shuraka, shara'u lahum min ad-din, ma lam ya'zan bihillah, Tam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué que ceux qui font cela, yani, c'est des shuraka. Tam, yani, comme on va le voir, inshallah, cette ayah-là, c'est par rapport à celui qui prétend que, comment ça s'appelle, c'est du tabdil. C'est-à-dire qu'il prétend que ce qu'il a inventé, ça fait partie du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laquelle on n'a pas de dalil par rapport à ça. Dans ce cas-là, tout mubtadi' c'est un kafir billah azza wa jalla. Yannahu ash, ikhtara'a min nafsihi. Celui qui fait, yani, bid'at al-mawlid. Est-ce que c'est une chose que Nabi Samila est venu avec? Ils ont inventé cette chose-là. Mintilqam Fusim, ceux qui l'ont inventé. Donc, vas-y, ça veut dire que cette personne-là, ce sont des kuffar. Là. Donc, c'est quoi le farq entre le mubtadi' et le kafir? Les deux, ils ramènent une chose qui est quoi? Qui est inventée. Donc, on n'a pas d'alil. À partir du moment que cette chose-là, on n'a pas d'alil que cette chose-là qu'il a inventé. Même s'il prétend que c'est du din, la khalihi, il n'a pas d'alil, on n'a pas d'alil que cette chose-là, c'est une méfiance. Eh ben, on juge de cette chose-là que c'est une bil'a, que cette chose-là, c'est du kufr, duna kufr, et la khalihi, kabira min al-kabir, laquelle on a quelqu'un, on juge de la méfiance de ces personnes-là. Ba'duhum qalu, comment ça peut pas être un kafir, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, in al-hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. On leur dit kadalika, inna ta'ata illa lillah. Wa li rasulihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faman ata'a ghayrahu, ومن أطاع نفسه الأمرة بسوس أن كفر بالله سبحانه وتعالى لأن إن طاعة إلا لله سبحانه وتعالى الطاعة سكبر الله سبحانه وتعالى كذلك الجمهور لكبر الله عز وجل donc celui qui prend jugement autre que celui d'Allah سبحانه وتعالى كفر بالله سبحانه وتعالى كذلك الذي يطيع غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى وإن كان قد أطاع نفسه في الأشياء التي ليست من الأشياء التي تحكم على صاحبها أنه من المخالدين donc dans ce cas-là يعني comment on juge tamam et certains ont dit celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, en inventant cette loi-là, ils ont dit, yani, ja'ala nafsahu hakiman. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-hakim. Donc dans ce cas-là, il a jugé que c'est un hakim, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, anna hunaka hakiman fi al-alam. Allah subhanahu wa ta'ala est lui. Donc c'est un kafir billah, c'est un mushrik. Lianna sawwa nafsahu billah subhanahu wa ta'ala fi miyakhtassu bihi Allah subhanahu wa ta'ala. Il a jugé qu'il est égal à Allah Azza wa Jal dans une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Le jugement. Dans ce cas-là, kazalika, on dit que toute personne qui fait une sourate, kafara billah subhanahu wa ta'ala, wa kharaja min al-islam. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, maza qal? Qal man azlamu, fil hadith al-Qudsi, man azlamu mimman zahaba yakhluk ka khalqihi. Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué dans le hadith al-Qudsi que ceux qui font des sourates, qui font des représentations de lesquelles il y a une âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé que cette personne-là, elle est en train de vouloir créer. Et la création, elle appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Man azlamu mimman zahaba yakhluku ka khalqi. Man azlamu mimman zahaba yakhluku ka khalqi. Qui est plus injuste que celui, par le biais de soi, la représentation dans laquelle il y a une âme, il se permet de créer comme je crée. Donc de ce cas-là, on dit que ceux qui font des soi, khaliquna ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc kafara billah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a dit cela dans l'islam. Donc, yani, c'est quoi le farq entre celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal, tout en sachant que ce qu'il fait c'est de marsiya, il ne se met pas à égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que c'est un péché, ce qu'il a fait, ce qu'il a inventé comme loi, il sait que c'est un péché, c'est quoi le farq en disant que pour ces personnes-là c'est de la mécréance, entre celui qui fait une sourate, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jugé que ces personnes-là, ils sont en train de se mettre sur le même pied d'estade que Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Donc, personne n'a jugé que celui qui fait des sourates, c'est un kafir. Donc, dans ce cas-là, c'est la même chose. Certains ont dit, ceux qui font ça, ce sont des tarouts. Et celui qui est en tarout, fait un kafir, billah azza wa jal. Et à la kazalika, il n'y a pas de dalil. Le fait qu'une personne ait jugé que c'est un tarout, que forcément, c'est un kafir, billah subhanahu wa ta'ala. Wal adilla tadulla ala. Laisse كل من يوصف انه طاغوت que c'est un kafir, que toute personne qu'on juge que c'est un tarout, que c'est un mécréant qui est sorti de l'islam. اولا la compréhension du tarout, il y en a dans l'islam. وفي اللغه لان القران انزل باللغه العربيه قرانا عربيا غير ذي عوج. فالقران واضح باللغه العربيه مع مقتضياتها وكذلك مع اركانها مفهومها الى اخره. Donc elle est descendue par une langue arabe qui est connue à ses règles الى اخره. فقال العلماء قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله بغضه الطاغوت قال أي سكوا طاغوت قال اترك كل معبود دون الله بغضه الآية وجتنب الطاغوت أي اترك كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى ضلال إنه الإمام القرطبي بغضه على definition du طاغوت dans l'آية وجتنب الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. Le fait de délaisser At-Tahout, qu'est-ce que c'est? Il nous dit, rahimahullah ta'ala, que At-Tahout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. كالشيطان كالكاهن celui qui prétend connaître l'invisible والصنم les statues et il dit tout ce qu'ils appellent à l'égarement donc المبتدع لا شك ولا ريب فيه أنه طاغوت لماذا لأنه يدعو إلى الضلال أليس المبتدع داعي إلى الضلال المبتدع n'est-ce pas que c'est une personne qui appelle à l'égarement donc dans ces cas-là يعني c'est un kafir billah عز وجل pourquoi parce que c'est un طاغوت donc c'est un lofs qui est quoi qui est âme ça englobe la mécréance comme ça n'englobe pas la mécréance et c'est pas possible qu'on a pu le voir de juger par une chose par un terme pour une chose excepté si jamais on a un dalil le dalil si jamais il a une probabilité, tu ne peux pas te permettre de juger par la mécréance d'une personne sur une probabilité, comme on a pu voir au début du cours. Parmi la qawaid, il a thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Le sens il est large, donc on ne peut pas se permettre de juger par un sens qui est large. Il faut un truc qui est sarih. Illa antarou fihi kufran bawah, yani kashams. Qala al-imam Fayrouz Abadi, rahimahullah ta'ala, et c'est parmi a'immatul lugha, il a un dictionnaire qui est connu, al-qamus al-muhit. قال الطاغوت اللت والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وما عبد من دون الله ونعم ومن عبد من دون الله إن دي سيقى الطاغوت إن دي رحمه الله تعالى سلت معروف والعزى ceux qui sont adorés في قوم نوح والكاهن ceux qui prétendent l'avenir والشيطان وكل رأس ضلال et toute grosse tête dans l'égarement إن دي cette personne on les appelle quoi الطاغوت donc dans ces cas-là les gros مبتدع Ce sont des quoi ? Des tarouts. Man yakul hadha illa man safiha nafsa. Qala l'imam ibn Baz. Rahimahullah ta'ala. L'imam ibn Baz. Qala rahimahullah ta'ala. At-tarout. Qala faqad yakun kafiran. Wa qad yakun duna thalik. Le fait qu'on dise que cette personne-là, c'est un tarout, ça peut être un kafir, comme ça ne peut pas ne l'être. Donc là, dans ce cas-là, ceux qui disent que ceux qui jugent par une autre loi d'Allah Azzawajal, qui l'invente lui-même ce jugement-là, c'est un tarout, on lui dit là, ça peut être un kafir, comme ça peut ne pas l'être. Donc ça peut, ça ne peut pas. Est-ce que c'est du kufr yani bawah la? Qala l'imam al-Raghib al-Isfahani qui fait partie des grands aïmas dans la loi et qui a un excellent kitab qui s'appelle Al-Mufradat dans lequel il explique la définition des sens des mots dans le Coran. Il explique le vocabulaire du Coran. Et c'est un kitab qui est mu'tabar chez les ulama, qui est considéré grave. Qala rahimahullah ta'ala at-taghut 'ibaratun 'an kulli muta'addin, tout transgresseur. Wa kullu ma'budin min dunillah, tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah azza wa jalla. قال بعد ذلك كذلك الساحر للسorcier ça peut appeler الطاغوت والكاهن كذلك قال والماري من الجن les rebelles parmi les djinns قال والصارف عن طريق الخير tous ceux qui t'égarent de la voie du khair et dit رحمه الله تعالى tous ceux-là on les appelle quoi الطاغوت et il y en a encore plein on peut يعني, on va évoquer كذلك la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab parce que هؤلاء الخوارج تكفيريين ils prennent beaucoup la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, yani les mutashabihat min aqwalihi, ils en font des dalils. Qala at-taghawit kathira. Qala wal mutabayyin lana minhum khamsatun. Qala awwaluhum shaytan. Le premier c'est qui? Shaytan. Wa hakim al-jur, celui qui juge par injustice. Qala wa akilu ar-rishwa, celui qui prend la rishwa, yani le dessous de table. C'est tout cela on appelle quoi tarout. Donc c'est un kafir celui qui prend le dessous de table. Qala wa man 'ubida fa radiya, celui qui est adoré et qui agrée cette adoration-là. Tarout. Qala wal amilu bighayri ilm. Combien de personnes ils ont fait, ils ont œuvré sans ilm. Donc on est tous des tarout. Khalas. On est tous kulluna kharajna min al-islam. Allahu musta'an. Ma baqiya illa haula. Kulluna kuffar wal khawaris sont eux les musulmans. Fa sa kadhalika barakallahu fikum la yadul ala dhalik. Ils ont pas de dalil, c'est que des shubuhat. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ils vont prendre les choses qui sont quoi qui ne sont pas claires dans lequel il y a une probabilité ça c'est la tariqa d'ahl al-dalal بقي une سورة qui est quoi التشريع العام inshallah espérons التشريع العام le fait que la personne تحكم بغير ما أنزل الله et il impose cela à son peuple كالتشريع Il impose cela à son peuple lorsqu'ils vont au tribunal. La loi qui est jugée, ce n'est pas la loi d'Allah Azzawajal, mais la loi qui a imposé ce hakim. Est-ce que ces personnes-là, ils sortent de l'islam? Si jamais cette personne-là, qui impose à son peuple une loi autre que celle d'Allah Azzawajal, il le fait mustahillan, il pense qu'il a la permission de faire cela, ou il dit que son jugement il est mieux, ou qu'il est égal à celui d'Allah Azzawajal, avec les halal qu'on avait pu voir, qui montre la mécréance, bil ijma'. Et bien celui-là, c'est un kafir billah azza wa jalla bil ijma'. La khilaf bayna al-salaf wa kadhalika al-khawarij. Lakin al-an natakallam fi allazi yushri' tashri'an 'aman. Tab il légifère des lois et il les impose à son peuple. Ce sont des lois qui sont autres que celles d'Allah azza wa jalla. Lakin huwa ya'taqid fi dhalika annahu 'asi. Li shahwa. Pour avoir yani la reconnaissance des kuffars, pour avoir des contrats avec les kuffars. Il fait cela, pas parce qu'il pense que c'est la meilleure des lois, il sait que c'est un rasi. Il fait cela par passion. Est-ce que c'est un kafir billah azawajal? On n'a pas de dalil. Et c'est une situation qui peut arriver. On ne dit pas que tous les hukkam, alladhina yahkumuna bighayri ma anzalallah, ils ont tous des excuses. Nous on dit, pour celui que tu veux juger, que c'est un mécréant, regarde sa situation. Si jamais sa situation c'est telle, 1 plus 1 est égal 2. Si jamais sa situation c'est telle, 2 plus 2 est égal 4. Si jamais c'est telle, 4 plus 4 est égal 8. Si jamais c'est le cas de ces choses-là, on dit que c'est un kafir, on dit que ce n'est pas un kafir, par rapport à la situation. On n'est pas en train d'excuser les hukam, et kaza les cas, on n'est pas en train de kafar ceux qui ne sont pas, qui ne le méritent pas. Ahlus sunnah, c'est ummatu wasata. Entre les deux, ils jugent, ils regardent. Apportez-nous la situation, et par rapport à la situation, on va juger par le kitab à la sunnah. On revient à Allah Azza wa Jalla. On n'a pas trouvé dans le kitab d'Allah Azza wa Jalla le hukm ala takfir de ces personnes-là qui le font tout en ayant la conviction, la croyance que ce sont quoi des désobéissants. On n'a pas de dalil par rapport au kitab de la sunna. On ne va pas juger de la mécréance des personnes-là alors qu'elles ne méritent pas. Ensuite, ça va nous revenir dessus qu'il y a maqan nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas de dalil. Là. Ba'douhum, ils ont dit que le fait de faire cela, que la personne qui yahkum bi ghayri ma anzalallah, an yatashri' an 'am, il impose à son peuple, il nous dit il ne peut faire que cela parce qu'il a la conviction que ce qu'il est en train de faire, c'est mieux, que son jugement, il est mieux que celui d'Allah Azza wa Jalla, ou bien, au moindre des degrés, que son jugement, il est aussi bien que celui d'Allah Azza wa Jalla. Là, on leur dit, à ces personnes-là, ma'ruf al-hukm, celui qui juge bi ghayri ma anzalallah, tout en ayant la conviction que son hukm, il est mieux, où il est aussi bien, ça c'est la personne qui a une conviction. Ya'taqid. Et comme on a pu voir la aqidah, mahalluhu ayy al-jawarih ou al-qulub, c'est son mahal, c'est le cœur. Donc là on le dit, comme il a dit al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Usama, est-ce que tu as ouvert le cœur de cette personne-là et tu t'es assuré qu'il a la conviction que lorsqu'il fait cela, que son jugement il est mieux que celui d'Allah azzawajal, ou bien il est aussi... Il est autant bien que celui d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir cela? Si la personne n'a pas lui-même approuvé sur sa personne, on ne peut pas juger de cela. C'est impossible, on ne peut pas juger de cela. Donc il faut qu'il approuve sur lui-même. Si jamais ce n'est pas le cas, on ne peut pas juger de ce qu'il y a dans les cœurs. Et faire cela, c'est prétendre l'invisible. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَى اللَّهِ. Donc on prétend des choses qu'il y a dans les cœurs des gens. وَلَا يَجُزْ هَذَا. Donc il y a idda'a ilm al-ghayb. Ceux qui disent, yani, ça implique celui qui impose son jugement, le gouverneur qui implique son jugement à son peuple, de manière générale, ça implique qu'il a la rapida que son jugement est mieux. Ça, c'est un takfir, et comment ça s'appelle, bil-lazim. Mais ce n'est pas lazim. Et ça, il y a des qawaid qui montrent cela. Comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmahu ta'ala. Qala, rahmahu Allah ta'ala. Qala, famma kana min al-lawazim. Yardahu al-qa'il. بعد وضوحه له فهو قوله وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا نعم قال وأما إذا نفى هو اللزوم لم يجوز أن يضاف إليه اللازم بحل نعم رحمه الله تعالى في الفتاوى نودي رحمه الله تعالى للوازم يعني les choses qui lorsqu'on juge on dit ça implique cela celui qui fait cela ça implique cela si jamais la personne a dit نعم ça implique cela, et moi j'agris cela, et bien si jamais ça implique une mécréance, on lui dit, bah t'as un kafir billah azza wa jalla. Celui qui dit, on lui dit, hé, ce que t'es en train de faire, là ça implique que t'es en train de dire que ton jugement il est mieux que celui d'Allah azza wa jalla. Il dit, naam, c'est ce que je pense, il n'y a aucune divergence entre toi et moi. Et bien celui-là, c'est quoi? C'est un kafir billah azza wa jalla. Amma si jamais il dit là, moi je fais cela, mais je suis pas en train d'avoir, ce que t'es en train de me dire là, que ça implique cela, t'as. Et moi, je n'accepte pas cela. Donc, dans ce cas-là, une cheikh d'Islam, on ne peut pas. On ne peut pas lui juger, on ne peut pas lui coller cette étiquette-là, on ne peut pas lui coller ce jugement-là, parce que c'est impossible. Il a dit non. Ce n'est pas « At-takfir bil-lazim la yajouz » Hatta qala dhalika, al-cheikh Muqbil, alayhi rahmatullah. Donc, de juger de cette manière-là, de dire que ça implique cela, donc c'est un mécréant, c'est pas une chose sur laquelle on revient pour juger de la mécréance des gens, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Naam. L'aqwal fi dhalika kathir, wa inshallah nakhtem en évoquant certaines des choubouhats qui sont importantes d'évoquer pour faire cela. Certains ont dit que celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir. Ils ont pris comme dalil قل سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ils ont pris cette ayah là pour dire que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jalla, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit yani que ceux qui font cela, ils n'ont pas de croyance dans le cœur. فلا وربك لا يؤمنون, ils ne croient pas. Par rapport à cette ayah là, il faut savoir que كذلك c'est متشابه الأقوال. C'est une ayah qui est quoi متشابه, dans lequel on peut comprendre cela et on peut comprendre l'inverse de ce qu'on compris, c'est الخوارج. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذه الآية مما يحتج بها الخوارج على التكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله في منهاج السنة. Il nous dit dans ce texte là, الشيخ الإسلام il nous rapporte que الخوارج ils prennent cette ayah là que j'ai récité à l'instant pour juger de la mécréance de ceux parmi les gouverneurs qui ne jugent, qui jugent par une loi qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des ayahs sur laquelle se repose la compréhension de qui? D'Ahlus Sunnati wal Jama'a? La. La compréhension de qui? Al-Khawarij. Wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Wa Cheikh l'Islam kadhalika, il évoque une chose qui est importante. Que c'est pas toute fois où la foi, elle a été évoquée d'une manière par négation, que ça fait que cette personne-là, elle est quoi? Elle est sortie de l'islam. Maintenant, il a dit Allah Azza wa Jal, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ils ne croiront pas. Il dit, ils ne croiront pas, cette chose-là, c'est pas forcément qu'il est sorti de l'islam. Il y a des ayats qui montrent, il y a des adillas qui montrent le contraire. Al-Nabi Sallam, il a juré trois fois. قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنْ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. Par Allah, il n'a pas cru. Par Allah, il n'a pas cru. Par Allah, il n'a pas cru. Ils ont dit qui, ya Rasulallah? Ils ont dit celui qui gêne son voisin. Il a dit, il n'a pas cru. Il n'a pas cru, il n'a pas cru trois fois. Il a juré par Allah, Azzawajal, hatta. Est-ce que ces personnes-là, qui respectent pas les droits du voisinage, est-ce qu'ils sortent de l'islam? Parce qu'un Nabi Sallam, il a juré trois fois, hatta. Il a juré par Allah, Azzawajal, que ces personnes-là n'ont pas la croyance dans le cœur. Là, ma'ruf, yani, c'est pas une chose qui fait sortir de l'islam. Malgré cela, il a dit, il ne croit pas. Kadhalika, Nabi Sallam, il a dit, La yasarat al-sarat hina yasarat wa huwa mu'min. Celui qui vole, lorsqu'il vole, il n'est pas croyant. Wa qala wa la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui fait azina, lorsqu'il fait azina, c'est pas mu'min. Est-ce que c'est quelqu'un qui sort de l'islam? Est-ce que celui qui vole, c'est quelqu'un qui sort de l'islam? Kazalika, c'est pas le cas. Pourtant, al-Nabi sallam, il a dit quoi? Wa huwa mu'min. C'est impossible que cette personne-là ce soit un croyant. Donc ça, ce sont des choses que yani min comme ça s'appelle mutashabihat al-aqwal. Ce sont des choses yani des textes qui sont ambigu. Et Cheikh l'Islam, il évoque, yani, par rapport à cela, que c'est pas toutefois que la foi, elle a été évoquée par négation, que cette personne-là, elle est sortie de l'islam. فَقَالَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ مُسَمَّى أَسْمَاءَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَ كَاسْمِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِلتَّرْكِ وَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ الْمُسَمَّى. Il nous dit, toute chose que tu vas trouver dans le kitab, d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est évoqué par négation ces noms-là comme il ne croira pas, il n'a pas d'islam, il n'a pas de dîn, il n'a pas de salat, il n'a pas de siyam, il n'a pas de tahara, il n'a pas de hajj. Il a dit que ces choses-là montrent qu'ils ont délaissé une chose qui est quoi? Wajib. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la foi totale, c'est-à-dire ils n'ont pas la perfection dans la foi. Ils ont la foi, laquelle ils n'ont pas la foi qui est quoi? Qui est parfaite. C'est ce qui est voulu ici. Lorsque la négation allait apporter à ces choses-là, c'est pas pour dire qu'il n'a plus de foi, laquelle il n'a pas la foi qui est complète. Il a une foi, laquelle qui n'est pas complète. كذلك هنا فلا وربك لا يؤمنون. Et ils n'ont pas la foi complète, ces personnes-là qui font ce genre de choses-là. قال رحمه الله كذلك قال فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية يعني في الآية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد من لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد به أهله بدخول الجنة بالعذاب. Ça c'est un folk واضح. Nous dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah que Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué la négation terme de la foi dans cette ayah là, fa la wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum, c'est-à-dire ils n'auront foi que si jamais ils te prennent comme juge et kadhalika ils ne trouvent pas de gêne dans le jugement et que yusallimu laka taslima, c'est-à-dire qu'ils se soumettent totalement au jugement que tu auras jugé sur eux. Et il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt dans Cheikh l'Islam, que dans cette ayah-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué que ces personnes-là auront la foi que si jamais ils font les choses qui sont évoquées après. Donc il nous dit, les choses qui sont évoquées après nous montrent que ce sont des choses qui sont obligatoires afin d'avoir la foi. Laquelle il dit que ces personnes-là qui ne ramènent pas ces choses-là, dans lesquelles il est évoqué la négation de l'iman, mathalam, comme c'est le cas dans cette ayah-là, il nous dit qu'ils ont délaissé des choses qui sont wajib, par lesquelles, lorsqu'ils viendront yawm al-qiyamah, ils font partie des gens qui seront menacés par le feu, ahlul wa'id, et des gens qui ne pourront pas rentrer dans le Jannah sans hadab. C'est-à-dire qu'ils rentreront directement au Jannah. Et ma'aruf, ceux qui rentrent au Jannah, ils sont à l'aqsam. Il y en a qui vont rentrer al Jannah bi ghayri hisab wal hadab, ils ne seront pas jugés ni châtiés. Et il y en a qui vont rentrer min ahl al-kaba'ir dans l'enfer, laquelle ensuite vont en sortir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, shafa'ati li ahl al-kaba'ir yawm al-qiyamah. Ma intercession se fera pour ceux de ma communauté qui auront fait des grands péchés, c'est-à-dire ils vont rentrer en enfer pour par purification des péchés, expiation, et ensuite ils vont en sortir. Donc ces personnes-là, dans lesquelles il est évoqué la négation de la foi, ils n'ont pas ramené les choses qui sont wajib, yawm al-qiyama, ils seront confrontés à au wa'id, à la menace, et ils ne feront pas partie, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, des gens qui vont rentrer au Jannah sans châtiment. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont sortis de l'islam, en aucun cas. وقال رحمه الله تعالى فما جاء من نفي الاعمال في الكتاب والسنه فانما هو الانتفاء بعد الواجبات tout ce qui est venu dans la négation des a'mal la yu'minun ila akhirih dans le kitab et la sunna il nous dit c'est juste parce que pour montrer que ces personnes là yani ils ont pas la perfection dans la foi lakin ils ont la foi lakin pas la perfection il y a des adilla kathira qui montrent cela comme on a pu évoquer avec wallahi la yu'min wallahi la yu'min كذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر C'est-à-dire, dans la compréhension de ces dalils-là, de ces hadiths, celui qui ne fait pas cela, ce n'est pas un croyant. Et personne ne dit cela. Kazalika, parmi les adillas, al-mutashabiha, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila al-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida. Par rapport à cette ayah-là, dans laquelle il est dit, ne vois-tu pas ceux qui ont prétendu la foi, alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, de la chose qui a été révélée sur toi, et des choses qui sont révélées avant toi, yuriduna yatahakamu ila al-taghut. Donc là, c'est al-khawarij, ils ont pris cette ayah-là pour dire que celui qui prend un jugement autre que celui d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru. Pourquoi ? Parce qu'Allah azza wa jalla a dit, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir la foi en toi et en ce qui a été descendu sur toi et aux choses qui sont descendues avant toi ? Tu les vois juger yatahakamun ila taghut, yani en dehors du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a pu voir, taghut, c'est pas forcément la mécréance. Enfin, eux, ils ont pris par rapport à la première partie yaz'umun, c'est-à-dire qu'ils prétendent la foi. Et celui qui prétend la foi, il n'est qu'à faire billah subhanahu wa ta'ala, parce que la foi, il n'y a pas de prétention, c'est la foi totalement. Tamam. Lakin, ils ont dit le ulama que cette ayah-là, tadullu ala, que ces personnes-là, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzilaka wa ma unzila min qablik, ce sont qui ? Ce sont des munafiqun, comme les hypocrites. Et parmi leurs sifats, yuriduna an yatahakamu ila al-taghut. C'est ma'ruf, celui qui comprend la langue arabe, il va comprendre cela. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yuriduna an yatahakamu. Lissa ma'na dhalika, que le fait que annahum tahakamu ila al-taghut, qu'ils ont jugé par le taghut, que ça fait que ça fait que de ces personnes-là, yaz'umuna al-iman, qu'ils ont prétendu l'iman là. Ce sont des munafiq aslan, ce sont des kuffar billah azza wa jalla. Et comme l'a dit l'imam al-Sa'di, alayhi rahmatullah, qala wa hum ma'a dhalika, ay ma'a an-nifaq, yuridun an yatahakamu. Au-dessus de la mécréance qu'ils ont, cette hypocrisie qu'ils ont, au-dessus de cela, avec la prétention, parce que c'est pas une chose qui va avec la foi, de vouloir juger par une autre loi de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils prétendent la foi et en même temps, regardez, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jugent, ils font une chose qui montre qu'il y en a qui ne sont pas sincères dans la foi. Yatahakamuna ila al-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi. Donc il nous dit, ça c'est une sifa, min sifat al-munafiqin. Et si jamais la personne, elle ressemble à une autre, yani dans une sifa qu'elle a, c'est pas forcément que c'est un kuffar, c'est un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le kitab, il a évoqué énormément dans surat al-Tawbah, wa minhum man yaf'al dhalika wa minhum man yaf'al dhalika. Et ceux qui yani yatashabbahuna binhum, il dit ça yani tashabbaha bi sifat min sifat al-munafiqin. Celui qui fait ça, il aura une sifat parmi sifat al-munafiqin. Et c'est pas un kafir billah azza wa jalla comme a fait le hadith. نعم أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني parmi les choses qu'ils ont été évoquées lorsqu'il promet et de là c'est l'akhir yani les ulama ils ont dit ça montre que c'est quoi que cette personne là si jamais elle le fait on peut dire de lui que c'est un munafiq نفاقا يعني عمليا يعني il a les mêmes amal que ceux des munafiqs mais en aucun cas ça fait de lui que c'est un munafiq نعم كذلك parmi les ayats qu'ils ont pris أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ils ont dit celui qui prend un jugement autre que celui d'Allah Azzawajal, eh ben, c'est un mushrik. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal l'a dit, ne vois-tu pas? Ont-ils des shuraka, des associés? Ablahum shuraka, shara'u lahum. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas permis? Menaddin ma lam ya'zan bihillah. Donc ils disent que là, ceux qui jugent par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal, eh ben, ce sont des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement. À sahir, c'est qu'ils ont mal compris l'ayah. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit quoi? Am lahum sharaka shara'u lahum min ad-din. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses dans l'islam? C'est-à-dire, comme on a pu le voir avec quoi? At-tabdil. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des jugements qui sont autres que celui d'Allah azza wa jalla et qui prétendent que ces choses-là, elles font partie du din. Comme il a dit Hona, Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum sharaka shara'u lahum min ad-din. Ils leur ont légiféré des choses parmi la religion. Yani parmi l'islam, parmi le din Allah subhanahu wa ta'ala. En prétendant que ça fait partie du din d'Allah azza wa jalla. Ça c'est du kufr, bilijma'. Comme a dit le cheikh l'islam, rahimahu wa ta'ala, qu'il a man baddala ashara al-mujma' alayhi, fa huwa kafir billah azza wa jalla. C'est-à-dire que celui qui prétend dans son jugement, qui est autre que celui d'Allah azza wa jalla, qui fait partie du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie du din d'Allah azza wa jalla, faqad tashabbaha bil kuffar min al-yahud. Et en plus, yani c'est un kafir billah azza wa jalla, parce qu'il prétend que ces choses-là, c'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc ça, cette ayah-là, elle n'est pas fi babiha. وكذلك يقول سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه ابدا et personne ne lui associe dans le jugement ça yani c'est pas forcément que ce, ça veut dire que toute personne qui juge par une loi qui est autre que celle d'Allah azza wa jalla et ben c'est un mushrik et comme on a pu le voir donc tout asi ou toute personne qui vient s'imposer entre deux personnes comme on a pu voir avec la parole de Cheikh l'Islam que c'est un hakim donc dans ce cas-là si jamais il fait preuve d'injustice dans son jugement ben c'est un mushrik d'Allah azza wa jalla personne n'a dit cela hein. Ça c'est des ayats qui sont pas واضحة كذلك ils ont pris ان الحكم الا لله. On leur dit la même chose. Inna ta'a illa lillah. Celui qui le jugement, il appartient à Allah Azza wa Jalla, comme l'obéissance, elle appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui obéit à sa personne, celui qui sort, ne fait pas salat al-jama'a, une chose qui est wajib. Donc il a obéi à son nefs. Donc c'est quoi? Et c'est un kafir billah Azza wa Jalla, parce que ta'a inna ma hiya lillah subhanahu wa ta'ala. Donc personne n'a dit cela. Kadhalik ils ont pris parmi les ayahs. Afa hukm al-jahiliyyati yabghun. Donc ils ont dit tous ceux qui prennent un jugement autre que celui d'Allah Azza wa Jalla. Et ben c'est un hukm qui est quoi? Jahili. Et le hukm jahili, ça fait de cette personne-là que c'est quoi? C'est un kafir. Et ça, c'est pas sahih. Abu Dhar, lamma ayyara bi shakhsan yani bi ummihi, il a insulté une personne par sa mère. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innaka mar'un fika jahiliya. Tu es une personne qui a de la jahiliya en toi. Est-ce qu'il a jugé de Abu Dhar que c'était un kafir billah azza wa jalla? Il n'a pas jugé cela. Il a dit, t'es une personne qui a un critère parmi les critères de la jahiliya. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, يعني أربع في أمتي من أمور الجاهلية تام يعني كمان في الحديث أبخي لدي إيوكي أن النياحة celui يعني lorsque la personne est mère تام tu vois il se roule par terre il crie وإلا خيره تام il arrache ses vêtements il se griffe le visage تمام وكذلك قال الطعن في النسب le fait de dénigrer comment s'appelle les liens de parenté la descendance que tu as تام فكو هذه الأشياء ça fait partie de quoi من أمور الجاهلية لكن ça fait c'est pas forcément que tout le monde yani qui fait une chose qui émet l'humour et le jahiliya, que c'est un kafir. Sinon, dans ce cas-là, yani, Nabi Sassam, il a jugé de la mécréance de qui? De Abu Dhar, et personne n'a dit cela. Qala l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, alayhi rahmatullah, fi qawli subhanahu wa ta'ala, afa hukm al-jahiliyyati yabghun, qala ta'wiluhu 'inda ahli tafsir. Regardez, et ma'ruf, Abu Ubayd, c'était un des compagnons de l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, donc parmi les salaf. Il a dit, ahlu al-tafsir, c'est quoi la compréhension d'ahli al-tafsir? Qala anna man hakama bi ghayri ma anzala Allah. Celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal et qui fait partie des gens de l'islam, par ce jugement-là, il aura jugé d'une manière qui est quoi? Jahiliya. Qala wa innama huwa anna ahla al-jahiliya kanu kadhalika yahkumuna, yani par des choses qui sont en dehors d'Allah Azza wa Jal ou bien des choses qu'il a fait lui-même. C'est des jugements qui sont comme ceux de la jahiliya. وإلى ذلك كذلك وهكذا قوله ثلاث من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب النياحة والأنواء تمام ces choses là il nous dit ça fait partie de quoi la jahiliya comme on a pu les évoquer au début قال ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا il nous dit رحمه الله تعالى que dans ces expressions là qui est من أمور الجاهلية que ceci montre qu'il a eu une ressemblance dans ce qu'il a fait avec أهل الجاهلية وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى المعاصي ça fait partie des choses qui sont quoi من أمور الجاهلية يعني toute معاصي من أمور الجاهلية إلى la personne لا يكفر بذلك c'est pas par simple fait qu'il est tombé dans une chose de la jahiliya que c'est un kafir بالله عز وجل il a dit excepté en dehors de quoi du shirk amma celui qui fait du shirk نعم قد كفر بالله سبحانه وتعالى نعم الأقوال في ذلك كثيرة وإن شاء الله نختم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي